c'est le port de plaisance le plus célèbre de France. Une destination connue dans le monde entier. Saint-Tropez. Comme chaque été, le ballet des yachts se met en place. La haute saison vient de débuter. Du haut de sa tour de contrôle, Jean-Louis est à la manœuvre. Il faut qu'il patiente, Nathalie. On a envoyé Broadwater, il est à l'entrée du port. Bien reçu. Depuis 5 ans, c'est lui qui fait la circulation dans les eaux tropéziennes. David de Jean-Louis, Broadwater est à l'entrée, vous l'accompagnez jusqu'à sa place. Ce matin-là, autour de l'étoupe, ce yacht de 28 mètres de long de venir s'amarrer au port de Saint-Tropez. Autour de lui, les hommes en rouge de la capitainerie se chargent de le guider dans le dédale des autres navires de plaisance. Vous allez entre les deux blancs, là, devant Cécile, ok? Je montrerai pour l'ancre. Tout le monde est aux petits soins. Pas question de faire la moindre rayure à ce navire à plus de 2,5 millions d'euros. Il faut être vigilant, toujours, parce que c'est des grosses unités, donc elles ont du mal à s'arrêter en cas de besoin, donc il faut être vigilant. On va vraiment mouiller sur tribord. Quelques manœuvres plus tard... C'est bon, vous pouvez dropper l'ancre, c'est bon. Et l'étoupe n'a plus qu'à s'amarrer à quai. On va se décaler sur tribord. Le point de départ de 10 jours de vacances pour le propriétaire du bateau, un riche industriel allemand, venu profiter du soleil du midi. Vous avez un peu de mou ou pas? Avec quelques amis. S'amarrer à Saint-Tropez, c'est loin d'être donné. 600 euros par jour pour l'étoupe. Et plus les yachts sont grands, plus la place coûte cher. Pour ce navire de 40 mètres, par exemple, le ticket de stationnement grimpe à 2000 euros la journée. Mais peu importe le prix, le port ne désemplit pas. Les yachts font même la queue pour avoir le privilège de s'accrocher à l'un des 734 anneaux. Et c'est Nathalie qui joue les aiguilleuses des mers. Tout bien reçu à Escrime 2, je vous fais patienter, il y a un bateau avant vous. Ce matin-là, elle doit gérer l'arrivée d'une trentaine de nouveaux bateaux dans le port. Les Bruxellois Saint-Tropez, go ahead. Et pas question de les faire trop attendre. Un voilier de 11 mètres à l'entrée du port pour une nuit, s'il te plaît. Car à Saint-Tropez, la clientèle est du genre exigeante. Ben, c'est Saint-Tropez, donc... Voilà, ils sont tous très importants, ils veulent tous la place et ils sont tous... Voilà. Des amateurs de plaisance fortunés qui rapportent chaque année 10 millions d'euros au port de Saint-Tropez et surtout contribuent à sa notoriété. Car dans ces yachts se cachent souvent des stars mondialement connues, comme le footballeur brésilien Neymar, la chanteuse Rihanna ou encore des poids lourds d'Hollywood, comme Sylvester Stallone. De quoi faire rêver les touristes qui affluent du monde entier pour tenter de toucher du doigt cet univers de luxe. Ils viennent de Suède, d'Italie, ou encore des Philippines. Viva Saint-Tropez! Saint-Tropez, où l'incroyable histoire d'un petit port de pêche devenu en moins de 50 ans, le rendez-vous incontournable des amateurs de soleil, de fêtes et de luxe. Saint-Tropez, une marque qui fait vendre dans le monde entier. Sur le vieux port, en fin d'après-midi, quand la chaleur retombe, le moment est venu pour la famille Courtin de l'Écluse de se promener au pied de ces yachts qui les font tant rêver. J'aime bien, c'est quand ils ont des gros bouquets de fleurs à l'arrière des bateaux, ça fait joli. J'aime bien aussi quand il y a des cuivres bien astiqués sur les voiliers, là, c'est joli. Des inconditionnels de Saint-Tropez, fascinés par le spectacle de ces navires de millionnaires. Tu vas te mettre devant, je vais te prendre en photo. Avec le bateau? Ouais, avec le bateau. Attends, hein. Ne va pas te tomber à l'eau. Pour admirer ce spectacle, quasi unique en France, la petite famille fait régulièrement le voyage depuis Valenciennes, à 1200 km de là. On est dessus? Oui. Ouais. C'est immortalisé? Ça y est, on est dessus. C'est comme si c'était à nous. C'est incontournable. Et on vient trois fois par an. Et à chaque fois, si on reste 4 jours, je viens 2 fois. C'est une fois la journée, quelques fois le soir pour avoir un changement d'ambiance. Des yachts hors normes, à perte de vue. C'est le nettoyage que je voudrais pas faire. Sur lesquels Laurence se verrait bien passer quelques jours avec ses proches. Oh oui, j'aimerais bien une fois essayer de monter dessus et voir si on sent un peu la mer. Ça doit être bien. Seulement voilà, embarquer sur de tels bateaux, cela peut coûter jusqu'à 30 000 euros par jour. Hors de portée pour la plupart de ces touristes, qui pourtant aimeraient bien jouer eux aussi les plaisanciers de luxe pour quelques heures. De quoi faire les affaires d'un homme qui, non loin de là, leur propose de passer une journée de millionnaire à prix cassé. Il y a 2 ans, Jean-Jacques abandonne sa carrière dans la marine marchande pour se lancer dans le business des croisières. Bonjour Jean-Marc. Bon, on va faire un petit brief de la journée. Il casse sa tirelire et s'offre ce bateau d'occasion de 17 mètres à 300 000 euros. Un petit bijou de luxe avec tout le confort moderne. 2 cabines climatisées, une salle de bain avec douche et un design dont Jean-Jacques est particulièrement fier. Le pont et tous les passavants sont en teck naturel. Ce bain de soleil, la place la plus occupée pendant les croisières. Et vous voyez ici, il y a un barbecue d'été. Donc c'est très sympa, super convivial. Un bateau que Jean-Jacques loue 2800 euros la journée. Ce n'est pas donné, mais c'est bien moins cher que d'embarquer sur un yacht. Et ce jour-là, 7 personnes l'ont réservé pour une journée de rêve au large de Saint-Tropez. Bonjour Francesco, ça va ? À ce prix-là, Jean-Jacques leur promet un voyage inoubliable. Il a tout prévu pour que ses clients passent du bon temps. Ok, alors on a du champagne, du vin, de la bière, des sodas, de l'eau minérale. L'eau est à l'intérieur, du jus de fruits. Bien sûr. Ok, parfait. Des boissons et quelques plateaux de produits locaux. Fromage, charcuterie, olives et fruits exotiques. Le tout à volonté, car Jean-Jacques veut en mettre plein la vue à ses clients. Le but, c'est de miser sur l'effet waouh, c'est-à-dire qu'il y en ait plein, qu'ils ne se sentent pas en manque et qu'ils n'arrivent pas à bord en se disant « on va peut-être manquer ». Mais qu'en général, on table sur le fait quand même qu'ils en consommeront à peine la moitié. Car s'il veut gagner de l'argent, Jean-Jacques doit se débrouiller pour que le tour en bateau lui revienne le moins cher possible. Alors à bord, il a plus d'un truc pour y parvenir. Direction le quai d'honneur de la capitainerie, pour récupérer les passagers du jour, cette bande d'amis, des quadras qui travaillent dans l'immobilier et le marketing. Bonjour monsieur. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour Ariane. Ça va ? Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour. Jean-Jacques, enchanté. Vous n'étiez pas censé être 7 ? Il y en a 3 qui ont raté l'avion. Ah, d'accord, pas bien. Ça arrive. Trois clients en moins, une excellente nouvelle pour Jean-Jacques, qui vient de faire ses premières économies. Il y a 3 personnes qui ont malheureusement raté leur vol. Pour eux, c'est une très mauvaise nouvelle, je suis désolé pour eux. Pour nous, c'en est plutôt une bonne, puisqu'on va économiser sur les boissons et sur la nourriture. Le malheur des uns. Bon, bah, je vous souhaite une excellente croisière. Mais ce n'est qu'à la fin du voyage que Jean-Jacques saura combien cette mini-croisière lui aura rapporté. Et à bord, il compte sur l'aide de Thierry, le skipper, pour limiter les dépenses. Cap sur les eaux du golfe de Saint-Tropez. À bord, tout le monde profite d'un grand soleil. Bronzette sur le pont avant pour mesdames. Farniente à l'arrière pour leurs époux. Dès les premières minutes à bord, nos croisiéristes en prennent plein les yeux. Là, c'est pratique en bateau. Ouais. Ça évite les embouteillages, ça évite pas mal de choses, c'est bien sympa. Une petite pointe de vitesse, histoire d'épater les passagers. Puis Thierry, le pilote, va lever le pied pour économiser sur le plus gros poste de dépense à bord. Pour ne pas dépenser de fuel, on a navigué à 20 nœuds à peu près, donc on navigue doucement. Donc maintenant, je leur fais faire un petit tour léger ici dans le coin, à petite vitesse, voilà, tout doucement. Une balade tranquille, à 40 km/h, parfait pour ne pas consommer trop de carburant. Première étape, la plage de Pamplonne, dans la baie de Saint-Tropez, l'une des plus huppées de la Côte d'Azur. Bon, je vais vous préparer un petit apéritif, là, non ? Oui. Hein ? Ça y est, on est au mouillage ? Oui, on est au mouillage, là. Oui. Le moment est venu de profiter du tout inclus. Bon, qu'est-ce qu'il y a une petite goutte ? Moi, je voulais goûter. Sans le sabre. Un peu de champagne pour donner le ton de la journée. À ceux qui n'ont pas pu être là. Bah oui, eh oui. On pense à eux. Quelques coupes, des tranches de jambon ou de saucisson, un buffet à petit prix qui suffit à faire le bonheur de nos 4 millionnaires du jour. Ça fait du bien. Là, pouvoir faire ça dans ces conditions-là, à ce prix-là, et on est très très bien reçus, vous voyez, on est très bien accueillis. C'est facile, vous avez un tarif, et toute l'après-midi, tout est pris en charge, on pense à rien. On ne fait que profiter. 2 heures de mouillage dans les eaux cristallines de la Méditerranée. Elle est comment ? Elle est très bonne. Elle est juste rafraîchissante, comme il faut. La magie opère pour ces plaisanciers qui savourent leur voyage et consomment sans compter, ou presque. Car Thierry le skipper a des consignes, se débrouiller pour limiter les dépenses. Alors Thierry, elles sont déjà vides ? Ça y est, c'est vide, oui. Alors il m'a dit de ne pas trop les servir, alors, donc je les sers doucement. Hein. Doucement. On va mettre ça là. Thierry doit tout faire pour que ses passagers lèvent le pied sur les consommations. Mais il va de nouveau les faire rêver en leur laissant prendre les commandes sur le retour. On a perdu personne. Je reviens. Après 6 heures de croisière, l'heure est venue de retourner au port. Bon, comment ça s'est passé ? Très bien. Ouais, très bien, monsieur. Apparemment, les 4 amis sont ravis de leur mini-croisière. On a passé une journée vraiment formidable. Non, on a passé vraiment une très bonne journée. Bon. Tout était parfait. Rien à signaler. Si côté vacancier, c'est plutôt gagné. Avec plaisir. Merci, hein. Merci beaucoup. Hein. Merci, au plaisir. Le moment est venu pour Jean-Jacques de faire les comptes. Il veut d'abord savoir combien ses clients lui ont coûté en consommation. Je vais faire un point sur les... Alors, je vois qu'ils ont là, qu'il y a une bouteille de rosé, une bouteille d'eau minérale. Bon, l'eau minérale, ça va. Bon, voilà, ça a été raisonnable, non ? Ah oui, c'est une croisière très raisonnable. On a vu bien pire. Ah oui, hein. Là, non, c'est bien, c'est des clients rentables. Les clients ont été raisonnables, une bonne chose. Reste à savoir si, aux manettes, Thierry, le pilote, a bien respecté les consignes de son patron. On n'a pas tellement consommé, hein, donc voilà. Ah oui, non, ça n'a pas bougé. Donc là, on a dû même consommer peut-être qu'une centaine de litres sur les retours. Non, c'est super. Thierry n'a consommé que 2% du réservoir. Son patron est ravi. Le carburant ne lui aura coûté qu'une centaine d'euros. Une belle affaire. Jean-Jacques facture cette croisière 2 793 €. Il doit payer les frais du bateau, 550 € pour une place au port, le carburant et la maintenance. Il y a le salaire du skipper, 130 €. Puis la nourriture et les boissons, 180 €. La croisière lui coûte donc au final 960 €. Cela lui laisse une jolie marge brute de 1 800 €. Et ce n'est pas tout. Sitôt son bateau à quai, Jean-Jacques poste une petite annonce pour tenter de le louer une dernière fois pour la soirée en cassant les prix. Là, je vais passer un message sur Instagram et Facebook, nos réseaux sociaux, pour proposer le bateau pour une croisière de 2 heures, pour une privatisation du bateau à 600 €, ce qui est imbattable sur le marché. Et avec un peu de chance, on va le relouer tout de suite. Ce soir-là, pas de chance, le bateau restera à quai. Chaque année, Jean-Jacques transporte 1 500 passagers sur les 3 bateaux qu'il possède et vise le 1 000 000 € de chiffre d'affaires. Mais à Saint-Tropez, les grands vainqueurs de l'été ne sont pas sur l'eau, mais sur la terre ferme. Car ce que viennent chercher en priorité les touristes sur la Côte d'Azur, ce sont les plages, non loin de Saint-Tropez, comme à Ramatuelle. Plus de 4 km de sable, bordés par cette eau turquoise à 28 degrés. Des plages qui rapportent gros à ceux qui en ont fait leur fonds de commerce. Ici, 34 plages privées proposent aux vacanciers un service 5 étoiles, parmi elles une institution, Moréa. La saison vient de commencer, avec elle, la guerre des plages. Alors comme chaque matin, Christophe, le patron des lieux, passe ses troupes en revue. On est bon les petits plagistes ? Parfait. On est en place. Qu'est-ce qui nous manque ? Les clients ? Ils arrivent, ils vont arriver. Si Christophe a la pression... Allez, que la force soit avec vous. c'est que sa plage privée lui a coûté une petite fortune, avant même son ouverture. Il loue son bout de sable, 115 000 euros par an à la commune, et cet hiver, il a fait 170 000 euros de rénovation. Christophe doit maintenant se débrouiller pour que ses clients dépensent sans compter s'il veut réussir sa saison. On est bon ? Ça va, mon pouillou ? Enfin, mon poulet, je t'ai pas vu ce matin. Alors, chaque jour, Christophe veut que son équipe soit des plus efficaces. Bon, allez, le petit loulou, deux secondes. Gros week-end en perspective. Et puis, pour une fois, on a la chance d'avoir le soleil. Donc, on s'occupe bien des gens comme vous savez le faire. Le sourire, l'accueil. N'oubliez pas, c'est le plus important pour nous. Après, la bouffe, ça dépend de la cuisine. On fait un bon service. Allez, monsieur, en marche, on y va. Cela fait 62 ans que le Moréa séduit les vacanciers avec une promesse, passer une journée exceptionnelle au bord de l'eau. Encore faut-il en avoir les moyens. Quatre matelas. On va s'occuper de dessus. On est parti ? 30 euros le matelas, 8 euros le parasol, et 8 de plus pour une serviette. Voilà. Bronzer ici, ce n'est pas vraiment donné. Et pourtant, dès 10 heures du matin, la plage est prise d'assaut. Tout va bien, messieurs, dames ? Oui. Pas de souci. Valérie, son mari et leurs 4 enfants viennent tout juste d'arriver. 4 matelas à se partager et 2 parasols. À peine installés, ils ont déjà déboursé 136 euros. Le prix à payer pour une journée sur cette plage privée. On se fait plaisir. Là, on prend un peu d'ombre et un peu de soleil en même temps avec les enfants qui s'amusent devant nous. Et vous allez voir que leur facture va vite s'envoler. Car en coulisses, Christophe a tout prévu pour que ses clients mettent la main à la poche toute la journée, à commencer par le restaurant. Il faut coller, tu colles les deux tables, tu les rapproches vers là. John, file-lui un coup de main. Ce restaurant, l'un des plus grands de la plage, représente la moitié de son chiffre d'affaires. Christophe vise chaque jour les 500 couverts. Alors, côté cuisine... Bonjour. C'est le défilé permanent des fournisseurs locaux, avec des produits frais chaque jour. T'es à 8 poulets ? 80 kilos de viande. J'ai les entrecôtes, 4. Et là, on doit avoir les filets, le chorizo. Près de 300 kilos de légumes. Les carottes, 5 kilos. Les artichauts, 25 pièces. Les courgettes, 10 kg. Il y a les dorades aussi, hein ? Et 35 kilos de poissons. On est bon. Il y a bien sûr les boissons, 120 bouteilles de rosé, rien que pour le déjeuner. Attends, on va essayer de tenir le choc. Hein. À chaque service, il y en a pour 3500 euros de marchandises. Alors Christophe doit absolument remplir son restaurant. Il est midi et demi et pas un coin de table ne doit rester libre. Vous n'avez pas réservé ? Vous n'avez rien réservé, vous avez raison. Vous avez envie de prendre des risques. Allez, venez avec moi, on va vous trouver quelque chose. Allez, venez. Valérie, son mari et les enfants, eux, ont quitté leur transat pour un repas en famille. Ils ont déjà dépensé 136 euros pour se poser sur la plage. Et la facture va rapidement s'alourdir. Alors, le repas ici est super bon. C'est délicieux. Alors, moi, j'avais un wok crevette, les enfants des nuggets maison et un steak haché, une entrecôte et le tartare. Des plats simples et savoureux pour lesquels la petite famille a dépensé 300 euros. Et apparemment, la douloureuse ne l'est pas tant que ça. Non, c'est pas fixé de budget. On reste raisonnable, mais on se fait plaisir. Exactement le genre de client dont Christophe raffole. Moi, je suis content quand j'arrive à prendre 100 euros par personne. C'est pas énorme, 100 euros par personne. Mais si vous faites le total de mes clients qui passent à peu près, je suis au bon chiffre d'affaires. Et pour atteindre ses objectifs, Christophe a une arme fatale qui fait mouche à tous les coups, sa gouaille. Vous aussi. Ça va les jeunes ? Ça va bien ? Tu sais que toi, je t'ai vu, t'étais dans le berceau. Eh oui ! Une petite blague par-ci, un gentil mot par-là. Ça va ma chérie ? Très, très. En forme ? Tout le temps. Bien joué ma chérie, t'es au top, bon appétit. Pour qu'il consomme, Christophe veut que ses clients se sentent comme chez eux. Et ça marche. L'accueil est fort sympathique, que ce soit à la plage ou ici. On y mange divinement bien. Moi, je suis toujours ici. Hein, donc, dès que la belle saison s'annonce, on est tout le temps là. Si aujourd'hui, je fais une grosse chiffre d'affaires et que je fais une grosse journée et que tout le monde est malheureux, dans un an, je ferme. Et moi, ça fait 25 ans que je suis là, parce que je compte à l'envers. Les gens sont heureux, automatiquement, ils payent pour un service et automatiquement, ça marche bien. Bon appétit, chouchou. Avec sa bonne humeur, Christophe attire chaque jour jusqu'à 700 personnes. Et ses touristes vont aussi lui rapporter de l'argent d'une manière pour le moins surprenante. Car ses clients, il va carrément les louer à d'autres commerçants. À deux pas de là, Christophe a fait construire 5 cabanes qu'il loue à des vendeurs d'articles de plage ou encore de vêtements et de maillots de bain, comme Evelyne. Alors, si vous c'est la même longueur. Il y a celui-ci ou celui-là en bleu marine. Elle loue à Christophe cette boutique de 60 mètres carrés, près de 45 000 euros pour la saison. Et si Evelyne est prête à mettre autant d'argent sur la table, c'est pour profiter des centaines de clients de la plage, auxquels elle réserve une belle surprise. Diana, en maillot de bain. C'est une tenue en fait qui est très élégante et qui peut être portée aussi bien par une jeune fille que par une femme. Mais les lunettes de chambre. Diana, une barmaid de 35 ans, qui s'apprête à défiler dans les allées du Moréa. Et pour le business d'Evelyne, c'est excellent. Bien sûr, ça aide. C'est la vitrine. Hein. C'est une vitrine hein, portée. Des fois, on le voit sur un scène, ça ne donne rien. Mais c'est quand c'est porté par la demoiselle, on voit déjà ce que c'est. Allez, c'est parti. Deux heures de show, avec en guise de podium, les allées du restaurant. Pour les clients, c'est déjeuner spectacle. Car Diana n'est pas seule. Trois autres boutiques ont envoyé leurs mannequins défiler parmi les convives. Les tenues s'enchaînent. Et ce jour-là, Diana semble avoir marqué des points. Voilà la belle. Voilà, là, ça, ça a bien plu. La dame qui l'a pris en bleu hier était avec toute une table avec ses copines à le regarder. Et il y a d'autres gens qui ont regardé aussi qui ont très très joli. Voilà, c'est bien. Et quelques minutes plus tard, les premières curieuses font leur apparition. Ah, il y a des jolies petites choses là. La prestation de Diana a fait son effet. Mais Evelyne ne gagne pas à tous les coups. Vous voulez l'essayer ? Vous le défez ? Merci. Ah non, non. Non, non, non, j'en ai un. Ces deux vacancières repartiront sans rien acheter. Mais à voir les étiquettes qui s'empilent près de la caisse d'Evelyne, la journée semble avoir été fructueuse. Une quinzaine d'articles à trouver preneur. Evelyne ne lâcherait sa place au Moréa, pour rien au monde. Mais il y a la clientèle quand même. À Moréa, il y a la clientèle. Ça fait 25 ans que je suis là, donc ça veut dire que hein, tout va bien. Coiffeur, articles de plage ou encore salon de massage. Ce jour-là, comme Evelyne, tous les commerçants du Moréa vont faire de belles affaires. Car les vacanciers n'ont pas résisté à la tentation, à commencer par la famille Vial. Allez, viens ici. D'accord. D'abord, une crème solaire achetée sur place 35 euros, deux fois plus cher qu'au supermarché. C'est pas confortable. Mais c'est confortable, c'est pas le but. Ensuite, pour le petit Mathieu, un râteau et un seau pour bâtir ses châteaux de sable, 26 euros de plus. Et bien sûr, boisson fraîche pour tout le monde, sous un soleil de plomb. En vacances, la famille se lâche, bien décidée à se faire plaisir. On a contenté le total, mais je prévois que ça restera très raisonnable. Pour la superbe journée qu'on a passée. Si madame prévoit de faire les comptes plus tard, nous l'avons fait pour elle. Il y a tout d'abord 136 euros de matelas et parasols, 360 euros pour les repas et les boissons, et puis le kit de plage et la crème solaire, 61 euros. Enfin, le parking, 6 euros. Au total, la famille a dépensé 563 euros pour une journée au bord de l'eau. Et dans cette plage privée, les affaires ne s'arrêtent jamais. Dès que les familles ont quitté les lieux, une autre population les remplace, encore plus dépensière, les amateurs de folles soirées tropéziennes. Au platine, Philippe, alias DJ Larsen, fait monter l'ambiance. Il faut que les fêtards s'amusent et passent à la caisse. Le but, c'est de les faire consommer, bien sûr, tu vois. Et il faut être, entre guillemets, bankable, c'est-à-dire arriver à les amuser pour que le boss, lui, puisse s'y retrouver financièrement, bien sûr. Au bar, les bouteilles de champagne à 110 euros défilent. tout comme les Mathusalem de rosé. Ces bouteilles de 6 litres, facturées 800 euros pièce. Les fêtards, c'est un tiers du chiffre d'affaires de Christophe au Moréa. Et ce soir-là, le patron et son chef de bar ont de quoi être satisfaits. Ah, donc c'est bon, on a fait une bonne journée ? On a fait une super journée. Parfait, demain grand beau, lundi pluie. Hein. Vous savez ce que c'est une bonne journée au bar ? C'est quand il n'y a pas un problème, que les gens se sont bien amusés, qu'ils ont consommé ce qu'ils avaient envie de consommer, et qu'ils sont contents et qu'ils rentrent chez eux tranquillement. Et qu'ils pensent à la maison quand ils sont chez eux pour revenir. Voilà. Ça pour nous, on a tout gagné. Et là, on a tout gagné. Car Saint-Tropez lui rapporte gros. Avec sa plage privée, ouverte de 10h à 21h, Christophe fait chaque année un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Les bénéfices, eux, restent confidentiels. Décor de rêve, strass, fêtes et paillettes. Voilà sur quoi repose tout le business de Saint-Tropez. Alors pour préserver son image chic et luxueuse, la mairie veille au grain. Rien ne doit venir briser la magie des lieux si elle veut conserver ses riches touristes. Et si le petit port plaît autant aux vacanciers, c'est en grande partie grâce à eux, Philippe et Iliès, deux des 45 éboueurs de la ville pendant l'été. Des spécialistes de la propreté qui ramassent peut-être chaque jour les poubelles les plus chères de France. Oui, les poubelles valent de l'or ici. Dans l'ébène, champagne de prestige et grands vins classés s'accumulent. La nuit précédente, la fête a encore battu son plein près des yachts du port. L'hiver, il y a beaucoup moins. L'été, bon, c'est 10 fois plus, si c'est pas plus encore, quoi. On est débordé. Tous les bars sortent leurs bouteilles et la collecte marche bien de verre sur Saint-Tropez. Et voilà, ça doit être dans les ordres de 8 tonnes par jour, à peu près. Avec une population qui passe de 4000 habitants l'hiver à plus de 100 000 l'été, la ville doit doubler les effectifs de ses agents de propreté. Car pour séduire les touristes fortunés, pas le choix. Saint-Tropez doit briller de 1000 feux. Alors pas un mégot ne doit traîner au sol et les poubelles ne doivent jamais déborder. Une obsession de la propreté telle que même la police municipale est mise à contribution. Oui, mais le monsieur, il va pas se fâcher là derrière. Oui, mais je travaille. Ah oui, t'as raison. Et après, t'as la balayeuse qui vient passer. Ah ouais, c'est bien. Laura est policière depuis 24 ans et l'été, elle devient également inspectrice des travaux finis. Bon, il a laissé quelques plumes, ça doit être un pigeon, mais ça, c'est pas bien grave. Puis, il faut faire attention aussi aux écoulements d'eau. N'allez pas croire que Laura est là par hasard. Je surveille, je vérifie le travail des agents de Pisorno. C'est la mairie qui la charge de tout contrôler. Donc, j'ai cette espèce de petit machin, là, j'ai un... Pour être certaine que ces rues sont immaculées. Si ça va pas, je prends une photo. Vous voyez, il cherche. Géolocalisation en cours, veuillez patienter. Et quand il a trouvé, je prends la photo. Voilà. Et là, pas d'anomalie ? Non. Donc on va fermer, tout simplement. Ce jour-là, rien à signaler pour Laura. Après, il y a une balayeuse qui va venir. La voilà. Sa ville est propre comme un sous-neuf. À Saint-Tropez, on ne plaisante pas avec la propreté. Et ça coûte cher. Plus d'1 million d'euros chaque année. Mais ce n'est pas tout. Entre la sécurité des milliers de touristes à assurer, l'entretien des bâtiments, comme la célèbre caserne des gendarmes de Saint-Tropez, la ville débourse chaque année près de 6 millions d'euros pour plaire à ses visiteurs. Alors pour financer toutes ces dépenses, la municipalité a trouvé une ressource surprenante, vendre son nom à tout ce qu'il souhaite, ou presque. Place des Lys, nous sommes un samedi matin. Le marché local est en pleine effervescence. Et les produits qui cartonnent le plus auprès des touristes ont tous un point commun. Ils sont estampillés Saint-Tropez. T-shirts, porte-monnaie, magnets ou encore espadrilles. Saint-Tropez s'affiche sur tous les produits. Seulement voilà, pas question d'utiliser le nom de Saint-Tropez sans passer à la caisse. Comme cette vendeuse de sac à main. Saint-Tropez, c'est une marque. D'accord. Ça a été déposé à la mairie. Voilà, par monsieur le maire, on paye des taxes. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y a 26 ans, la mairie a enregistré la marque Saint-Tropez. Désormais, pour l'utiliser, il faut payer et reverser 8% en moyenne du chiffre d'affaires généré. Mais le jour vaut la chandelle. Marqué Saint-Tropez, c'est l'assurance de faire de bonnes affaires. Sur cette terrasse du Vieux-Port, à l'heure de l'apéro, ces deux touristes ont décidé de commander une nouveauté, une bière au nom bien local. Avez-vous fait votre choix ? Je connais pas la blonde de Saint-Tropez. Hein. Ouais, elle est légèrement fruitée. D'accord. Et assez légère. Bon, ouais, on fait ça. Allez, super. Merci. Merci à vous. Une blonde bien fraîche, qui sent bon la Côte d'Azur. Un bel atout pour séduire. Bonne dégustation. Pourquoi avoir choisi cette bière ? Bah, c'est vraiment boire une bière différente, changée. Et surtout la Saint-Tropez, du coup, essayer de goûter une bière, la bière locale. Pourtant, ils ont juste oublié de regarder la bouteille d'un peu plus près. Cette petite ligne, tout en bas. Regardez bien la bouteille et dites-moi ce que vous lisez. Blonde au Saint-Tropez. Et en dessous ? Brassée en Belgique. Brassée en Belgique. Ah, du coup, moi je pensais que c'était brassée ici à Saint-Tropez. Car cette bière n'a rien de local. Elle est fabriquée à 1200 km de là par un homme qui lui aussi a tout misé sur la célèbre station balnéaire. Dans la petite ville de Hatt, en Belgique, non loin des pâturages, c'est dans cette brasserie artisanale qu'est fabriquée la fameuse bière de Saint-Tropez. Celui qui en a eu l'idée, c'est Raphaël Hoët, un magnat belge de l'immobilier. Il a pris un pari un peu fou, créer une marque de bière alors qu'il n'y connaît rien. Pour se lancer, il a misé sur le nom Saint-Tropez et ne regrette pas de payer chaque année 13 000 euros de royalties à la mairie. Voilà, donc ici on voit les grains qui ont servi à donner finalement tout ce sucre. L'été vient de commencer, alors Raphaël vient s'assurer que tout est en place pour la production. Donc, pour la recette, il a fait appel à ce maître brasseur. Dans ses cuves, tous les ingrédients d'une bière traditionnelle. De l'eau, du malt et du houblon. Rien de nouveau. C'est celui qu'on utilise pour la Saint-Tropez. Hein. Pour s'implanter en France, le choix du nom de cette bière s'est imposé comme une évidence pour cet homme d'affaires. C'est sûr que le choix de Saint-Tropez n'est pas anodin. D'abord, nous y venons en famille depuis des années. Le nom de Saint-Tropez a quand même une résonance assez exceptionnelle et unique dans le monde en général. Résultat, Raphaël distribue ses bières dans 600 établissements sur la Côte d'Azur. Et aujourd'hui, 100 000 bouteilles doivent sortir de cette ligne de fabrication. Des bouteilles au design très luxueux qui rappellent celui du champagne. Pas d'étiquette bon marché non plus, mais une sérigraphie léchée pour cette bière à servir avec le pouce en bas de la bouteille, comme pour la célèbre boisson festive. C'est un peu un parti pris qui est de nous mettre dans ce marché niche d'une bière de luxe, une bière qu'on peut poser sur une table, une nappe blanche, dans les plus beaux établissements de la Côte d'Azur ou d'ailleurs. Cette bouteille sera revendue entre 8 et 10 euros dans les restaurants tropéziens. Voilà. Bon, ben on va goûter tout ça. Hein. Oui. Est-ce qu'elle a un goût de Provence, cette bière ? Hey. Oui, on sent le soleil. Non, elle est tout à fait adaptée au sud de la France. Elle va plaire aux Tropéziens ? Elle va plaire à toute la Côte d'Azur, j'espère. Grâce au seul nom de Saint-Tropez, Raphaël a réussi à écouler 250 000 bouteilles de bière belge l'an passé. Mais en monnayant son image, c'est avant tout Saint-Tropez qui ramasse le pactole. Nous nous sommes procuré ce document qui détaille les recettes issues de ses royalties. Une grande marque de luxe a par exemple versé 10 000 euros pour ce sac griffé Saint-Tropez, vendu 1100 euros en série limitée. Ce fabricant de sandales, lui, 5000 euros pour ce modèle commercialisé sous la marque Saint-Tropez. Au total, avec une soixantaine de licences distribuées, la ville a déjà gagné près d'1 800 000 euros. Mais certains petits malins ont trouvé la parade pour faire de belles affaires avec la réputation de la ville, sans pour autant lui reverser quoi que ce soit. Ce soir-là, sur le Vieux-Port, en face des yachts de luxe, une partie du quai a été privatisée. Champagne, tapis rouge, le spectacle est en boutique avec musique live. Est-ce que tu peux me servir, s'il te plaît ? Le chef d'orchestre de cette soirée, c'est ce jeune homme de 32 ans, Maxime. Ouais. Dimitri, il me faut des coupes, s'il vous plaît, pour servir mes amis. Aujourd'hui, il inaugure son troisième magasin à Saint-Tropez. Bonsoir. Bonsoir. Et pour l'occasion, il a invité une centaine de ses meilleurs clients. C'est vraiment des gens qui sont invités par nos... Par les vendeurs, c'est des amis, des gens de la marque et des clients. On a essayé de faire les choses le mieux possible pour plaire à tout le monde. Dans ces boutiques, Maxime ne vend que des produits de sa propre marque, créée il y a 3 ans. Des maillots de bain pour femmes, mais aussi pour hommes, vendus autour de 200 euros. Il y a aussi ses vêtements chics pour le soir, car Maxime vise essentiellement une clientèle haut de gamme. Je voudrais vraiment, vraiment que vous fassiez un maximum de bruit et d'amour pour monsieur Maxime Cotte, créateur des canouilles. Pour écouler sa dernière collection, Maxime mise à 100% sur le mythe tropézien, mais sans avoir à partager le moindre de ses bénéfices avec la mairie. Pourtant, dans ces boutiques, Saint-Tropez est partout. Bonjour. Bonjour Dimitri, vous allez bien ? Et vous ? Ça va ? Bonjour Rémi, ça va bien ? Bon, on est prêt pour la réunion ? Oui. Vous avez sorti les modèles qu'on devait voir ? Pour tous ces modèles, la même astuce. Évoquer le mythe de Saint-Tropez sans jamais franchir la ligne rouge. Et l'inspiration, elle est dans les Bardot, Delon, années 60, années 80, comme on peut le voir ici avec le film La Piscine. Ces icônes ont fait la renommée du village. Et Maxime les remet au goût du jour en surfant sur la vague vintage. C'est un maillot qu'on a récupéré dans des archives qui étaient portées à l'époque par Brigitte Bardot. Et donc, on l'a appelé Bardot, c'est une coupe, il s'appelle Bardot, c'est une référence interne. Même principe pour ces modèles imprimés Vichy, l'un des motifs préférés de Brigitte Bardot. Et surtout, des références à Saint-Tropez, omniprésentes. Par exemple, on a le modèle Sainte-Anne, en référence à Sainte-Anne, qui est un quartier de Saint-Tropez. Voilà. On a le modèle avec le port de Saint-Tropez, par exemple, comme ça, tout en graphe. Voilà. Donc ça, c'est des pièces... Vous l'avez remarqué, pas une seule fois n'apparaît le mot Saint-Tropez, ce fameux nom qui appartient à la mairie. Ça, c'est le maillot du port de Saint-Tropez avec le clocher. Nous, on ne veut pas mettre Saint-Tropez écrit, brodé ou en gros. Nous, on vend vraiment l'ADN de Saint-Tropez, mais pas le nom Saint-Tropez. Il n'y a pas de royalty à verser à la mairie. Il n'y a pas de royalty. Nous, on a nos photographes qui font nos images et on design nos maillots. Venez ici, en face du... Voilà. Et si Maxime économise des milliers d'euros en royalty, il s'est également débrouillé pour que la fabrication de ses articles lui coûte le moins cher possible. Direction le Maroc, à Casablanca. C'est là que Maxime fait fabriquer une partie de ses collections. La saison estivale a déjà commencé, mais l'usine a pris du retard dans la livraison des maillots. Alors Maxime veut remettre les pendules à l'heure pour mieux éviter la rupture de stock en plein été. Alors. Bonjour Hicham, bonjour, ça va bien ? Ouais. Ça va, tu vas bien ? Oui, bien ça va, merci. C'est avec Hicham qu'il va devoir traiter, vas-y. Son chef de fabrication depuis 3 ans. Ça, c'est la chaîne pour vous, comme d'habitude. Donc les premières étapes, ça, c'est les postes de préparation. D'accord ? Mais au premier coup d'œil, Maxime remarque qu'il n'y a pas que ces maillots de bain sur la chaîne de production. La moitié des ouvrières travaillent sur d'autres tissus très colorés, comme celui-ci, ceux d'un concurrent, et ça ne plaît pas vraiment à Maxime. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi l'usine, elle n'est pas en totalité sur mes produits. Donc, en fait, tu sais, maintenant, c'est la saison de boxeurs, d'accord? C'est vrai qu'on a deux chaînes, normalement, on fait deux chaînes pour vous. Pas de quoi satisfaire Maxime, d'autant plus que sa collection, qui devrait être déjà en boutique, attend toujours d'être assemblée au sous-sol. Hicham, ok, moi, je veux que ça parte en production. C'est pas normal que t'aies des pièces qui soient prêtes ici, ok, et que la chaîne, elle tourne pas avec mes produits. Donc aujourd'hui, chaque retard, c'est un manque sur les ventes, c'est un manque de chiffre d'affaires. Alors Maxime veut que la cadence accélère. L'assemblage à faire en priorité, le voici, ce maillot dont il espère faire son best-seller cette saison. Ça représente Saint-Tropez, c'est la plage de Pampelonne, où on peut voir les yachts, les hélicoptères et les gens. Et ce qui coûte le plus cher dans la réalisation de ce short, ce sont ces broderies, très complexes à réaliser, et cela prend beaucoup de temps. Comptez au minimum 4h30 pour sortir 9 maillots. Et comme le temps presse, Hicham va devoir mettre les bouchées doubles. Hicham, je compte sur toi. Et toute l'équipe va prendre les choses en main. Bien sûr. Si Maxime a misé sur le Maroc, c'est avant tout pour ses tarifs très compétitifs. Ils sont deux fois moins élevés qu'en France. Pour ce maillot, les coûts de fabrication et de transport s'élèvent à 66,60 €. Il y a les charges, les loyers et les salaires des vendeurs en boutique, 64 € par article. Soit un coût de revient total de 130,60 €. En magasin, le maillot sera revendu 249 €. Résultat, une marge de 118,40 € sur laquelle la ville de Saint-Tropez ne touchera rien. Et pourtant, Maxime ne se gêne pas pour utiliser son image. Quelques jours plus tard, retour sur la Côte d'Azur, où Maxime a organisé une séance de photographie pour présenter sa dernière collection. Voir le lieu. Voilà, là, c'est la baie des Canebiens. Ouais, sympa. Le décor est toujours le même, la baie de Saint-Tropez, que tout le monde peut photographier gratuitement. C'est vraiment super beau, avec tous ces bateaux. Puis c'est calme, ça change de la ville. Là, tu vois, t'as la madrague, la maison de Brigitte Bardot, qui est derrière le voilier, juste à droite. Okay. Nous, l'objectif, c'est vraiment, en 3 secondes, il faut que notre client y comprenne que c'est naturel, chic et que c'est le bon côté de Saint-Tropez. Le photographe est un ami, pas de coiffeuse ou de maquilleuse professionnelle, mais des vendeurs qui lui prêtent main forte. Car ce matin-là, Maxime doit shooter une 30aine de nouveaux modèles. Voilà. Tu vois, hyper naturel comme tu l'as fait après. Okay. Mais au plus t'avances, au plus tu vas être naturel. Et pour faire des économies, c'est Maxime lui-même qui joue le rôle de directeur artistique. C'est 15 000 euros un shooting. Il faut les lieux, il faut le photographe, il faut les retouches. Nous, aujourd'hui, un shooting, il nous revient, quand on a tout payé. Ouais, non, 1 500, 1 600 €. Donc oui, on fait une économie énorme. Quand j'arrive proche de toi après, au bout de 2-3 secondes, tu me regardes, ok? Côté mannequin, pour un cachet de 1 000 euros, ce n'est pas une professionnelle non plus. Mais Maxime ne l'a pas choisi par hasard. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes suivent ses aventures. Il s'agit de Charlotte Pironi, une ancienne candidate au titre de Miss France, devenue la compagne de Florian Thauvin, un footballeur français maintenant champion du monde. Sitôt la vidéo en boîte, Maxime la diffuse sur toute la planète. Ok, c'est bon, on est sur Instagram. Effectivement, Charlotte est connue, elle est renommée et elle a surtout une belle image. Et c'est vrai qu'on va avoir une visibilité sur encore 300 000 personnes, donc c'est génial pour nous. Instagram, Facebook, Twitter, la jeune femme est suivie par plus de 300 000 personnes. Alors avant de la quitter, Maxime n'oublie pas les petits cadeaux. Charlotte, merci pour tout. Merci à toi. Bon, tiens, avec quelques petits maillots. Merci beaucoup. Et on t'en donnera d'autres si jamais ça te plaît. Merci beaucoup. Ciao, bon retour. Au revoir, merci. 4 maillots tropéziens qui feront peut-être le tour du web si Charlotte décidait de les porter. Les réseaux sociaux, un bon moyen pour Maxime de se faire connaître, toujours à moindre frais. Alors en boutique, Il fait souvent préparer de petits colis pour ses célébrités préférées. C'est pour qui ? Johan Cabaye. Ok, super. Johan Cabaye, un autre footballeur. Mais les top modèles restent ses priorités, comme la star des podiums, Gigi Hadid. Vous mettez les nouveautés en best. Pour Gigi, vous pouvez mettre le voile rouge en bleu ciel. Ouais. Ce qui serait bien... En général, 3 ou 4 pièces par colis. Hop. On peut lui mettre une pièce, on peut lui mettre le beach, ça serait top. Là, ça va représenter quelque chose comme, on va dire, entre 700 et 800 euros, c'est ça, Dimitri ? Voilà, c'est ça. Exactement. Un petit investissement pour une stratégie payante. Avec un peu de chance, ces maillots peuvent se retrouver en une des magazines. Là, par exemple, c'est Capucine Anav et Alain-Fabien Delon. Là, c'est Thomas Vergara et Nabila Benatia, avec notre maillot de bain lors de ses fiançailles. Mais aussi John Travolta et son meilleur coup. Le voici. Là, c'est Kim Kardashian avec notre sac. Donc, la numéro 1 des réseaux sociaux. Elle a 111 millions de followers, donc c'est vraiment, c'est jackpot pour nous. C'est number one. Voilà. Le lendemain de cette publication... Maxime a vendu une centaine de maillots en un clin d'œil. Environ 20 000 euros gagnés grâce à un simple cliché. C'est celui-là, on n'a eu que celui-là. Ouais. Le genre de publicité qui a permis à sa marque de tripler ses ventes en à peine 3 ans. Résultat, après Saint-Tropez, il a des magasins dans le monde entier. New York, Miami, Ibiza ou encore Dubaï. Saint-Tropez, un nom devenu une marque connue à l'international. Mais pourtant... Un pays résiste encore à la folie tropézienne. Et c'est bien dommage pour les caisses de la ville, car c'est celui qui compte le plus de milliardaires au monde. Alors Saint-Tropez lui déroule le tapis rouge. Donc sur cette rue-là, vous avez toutes les boutiques de luxe, donc Dolce & Gabbana, Daniel Prémieux, Valentino, etc. On va aller vers la place des Lys. Ce matin-là, Claude Maniscalco, le directeur de l'Office du tourisme, guide cette délégation de tour opérateurs chinois qui ont chacun dans leur portefeuille des dizaines de millionnaires. On va se diriger vers la boutique Dior, donc qui est juste à côté. Alors, de la place des Lys à celle de la Garonne, c'est par le quartier des géants du luxe qu'ils débutent la visite. Dior, Cartier, Valentino, Dolce & Gabbana ou encore Gucci. De la haute couture à la maroquinerie en passant par la joaillerie, ici, les millionnaires chinois n'auront que l'embarras du choix pour faire leurs emplettes. Et les Chinois, ils aiment bien faire des achats à l'étranger, surtout en France. Donc bien sûr, la rue de commerce, comme ça, c'est super important de savoir. Comme ça, on peut le proposer aux clients quand ils arrivent. Les clients de ces tours opérateurs peuvent dépenser des fortunes lors de leur voyage. Alors nos agents chinois... sont toujours très bien accueillis dans les boutiques qu'ils visitent. Là, vous les avez aussi en pendentif. Ils viennent y repérer des produits typiques de la région que leurs touristes ne trouveront nulle part ailleurs. Et le chien ? Qu'est-ce que c'est ? Expliquez-moi, qu'est-ce qui vous plaît dans ce bracelet ? C'est le symbole de Saint-Tropez. C'est une protection. C'est ça ? C'est la protection. C'est la protection du saint patron du village. Oui. Puisque... Saint-Tropez, c'est pas qu'un nom de ville, qu'un nom, c'est aussi un saint, un vrai saint. Ça m'a attiré, c'était une histoire. Oui. Voilà, merci à vous. Toute la journée, Claude Maniscalco veut en mettre plein la vue à ses tours opérateurs. Car pour le moment, les riches chinois représentent à peine 2% de la clientèle de Saint-Tropez. Et pourtant, ils trouveraient ici tout ce qu'il leur faut pour être heureux. Il ne faut pas se préoccuper, si vous avez le bateau, l'hélicoptère, la limousine, le chauffeur. On a vraiment tout ce qu'une clientèle internationale peut demander. Et pour Claude, le moment est venu de frapper un grand coup en leur faisant toucher du doigt l'intimité d'un trésor national, l'un des rares à rayonner jusqu'en Chine. Et là, on se rapproche de la maison de Brigitte Bardot. Vous voyez le petit mur qui est là-bas de l'autre côté, là ? Ouais. Eh bien, c'est là, la Madraille. C'est un endroit, il y a beaucoup d'histoire, vraiment pour moi c'est très charmant ça. Ouais. C'est vraiment une carte postale. Avec sa promenade en bateau, Claude a marqué des points. Alors pour pousser son avantage, il va terminer la visite de Saint-Tropez par une petite excursion sur les hauteurs de la ville, à la citadelle. Et là encore, ces pros du tourisme chinois vont tomber sous le charme. Ici, c'est vraiment c'est très différent que Cannes et Monaco, Nice, par exemple. C'est à Saint-Tropez, c'est un endroit propre, calme, donc naturel. Parce que c'est ça que les touristes chinois recherchent beaucoup en étranger. Sur la Côte d'Azur, Saint-Tropez reste une destination unique en son genre. Chaque année, ils sont près de 2 millions de touristes à venir passer du bon temps dans le golfe de Saint-Tropez, où ils y dépensent près de 800 millions d'euros.